Comment peut-on comprendre quelqu'un ? Lorsque je dis que je me sens incompris, que personne ne me comprend, lorsque je me plains de cette incompréhension, de cette absence de compréhension, il semble que je donne au verbe comprendre un sens superficiel, un sens secondaire, un sens qu'on peut dire, pour le critiquer, psychologique, par rapport au véritable sens du verbe comprendre, qui serait celui de tout situer dans une perspective d'ensemble. Comprendre, c'est prendre ensemble, c'est avoir une approche totale d'un phénomène, c'est le situer dans une explication d'ensemble. Or, de ce point de vue, on peut dire que je ne suis jamais content, je ne suis jamais sûr d'être totalement compris, même quand on relie mes actes, mes expressions, mon langage à un système explicatif d'ensemble, il y a quelque chose qui résiste encore, comme s'il y avait un autre sens même du verbe comprendre, un sens qu'on peut juger secondaire ou au contraire, peut-être fondamental, un sens qui ne viendrait pas après, mais avant le sens qu'on peut dire aussi explicatif, le sens de la connaissance elle-même, un sens qui vient résister non seulement à l'absence totale de considération, par exemple pour moi, quand on ne regarde pas du tout l'acte que je viens de faire ou les mots que je viens de dire, mais qui résiste aussi même quand on cherche à le connaître, à le situer dans des perspectives extérieures et tout à fait générales. Quel est donc cet autre sens du verbe comprendre quand on parle de comprendre quelqu'un, pas seulement de comprendre quelque chose, mais de comprendre quelqu'un. Il est tout à fait clair que il y a là un autre sens. Ce sens, on peut le résumer justement par le fait de relier un acte isolé, non pas à la totalité d'une explication scientifique du monde, mais plutôt à la singularité d'une perspective sur le monde, de le relier au sens que moi, personnellement, je donne à cet acte. Si je veux te comprendre, il faut que je situe tel ou tel acte, tel ou tel mot, dans le sens que toi, tu as voulu lui donner, pas seulement dans une explication globale, mais dans un sens d'ensemble, un sens subjectif, un sens situé, qui seul lui donne son véritable contexte, sa véritable nature. C'est pourquoi comprendre quelqu'un, ce n'est jamais tout à fait comme comprendre quelque chose. Lorsque Jean Cavaillès, au moment de son engagement dans la résistance, se réclame de Spinoza et qu'il dit « philosopher, c'est comprendre ». Il veut dire alors qu'il faut situer chaque acte dans une connaissance du tout. Comprendre, c'est pas seulement prendre tout, c'est situer chaque événement par rapport à un tout. Par exemple, il y a une violation de la morale et de la justice. Je dois m'engager. C'est situé par rapport à des principes. Philosopher, c'est comprendre, c'est un geste majeur. Mais philosopher, c'est comprendre, c'est aussi comprendre chaque sujet dans ce qu'il a de singulier. Comprendre, ce n'est jamais seulement comprendre quelque chose, le situer dans une totalité objective, c'est toujours aussi comprendre quelqu'un ou quelqu'une. Dans sa singularité et dans sa différence par rapport à la mienne, ce qui fait le sens de son action n'est pas seulement celui que je lui donne de l'extérieur, mais celui qu'elle voulait lui donner, vrai ou faux. Ainsi, comprendre, c'est bien toujours rapporter un événement isolé à la totalité d'un sens, mais la totalité d'un sens qui ne vient pas seulement de l'extériorité d'une connaissance scientifique de l'univers, mais aussi de l'intériorité d'un rapport subjectif au monde.